T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff, gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. We are as monsters. Yeah, let's see. Nord au sud, est en ouest, ouais. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, allez-y, ça commence maintenant. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette émission Planète Indie. Nous en sommes à l'épisode numéro 391. Et puis, pour ceux qui se réveilleraient, nous sommes le 2 décembre 2017, c'est donc notre dernière émission pour cette année. Bah oui, ça va vite. J'espère que vous avez été sages, que Saint-Nicolas va vous passer. En tout cas, nous, on est là avec des cadeaux pour vous aussi, puisque notre cadeau, c'est la musique, le meilleur de la musique indépendante, le meilleur de la musique alternative. On est depuis le mois dernier revenu à un format traditionnel, donc on va dire une heure et demie d'émission. Et puis on reprend la découverte des nouveautés, puisqu'on a été visiter les 20 dernières années, c'était au mois de septembre et au mois d'octobre, pour fêter nos 20 ans. Et là donc, retour au format normal d'une heure et demie et de découvertes récentes, en tout cas plus récentes que ce qu'on a écouté pendant ces deux émissions spéciales. Alors je vous propose, bien que le temps ne soit pas mauvais, bon, on va dire c'est froid, il y a de la neige, c'est autant ça que de la pluie, en tout cas c'est moins ce que je pense. On va aller du côté d'un pays où il fait chaud, pour commencer cette émission, on va aller du côté de Chypre. Et on va écouter un extrait de l'album de Konstantinos Lemezios, un album qui s'appelle Dysphasia. Un album, il y a juste 6 titres dessus, hein. On va dire que c'est un mini-album ou un maxi-EP. Et je vous propose d'écouter le morceau Little Boy, c'est la plage d'ouverture de ce CD. Et puis après ça, on écoutera les Tomboys avec Don't Ask Me Why. Down the innocent. Call me Nate. Hi, my name is Monica Jalili, and you're listening to Planet Indie. Hey, this is Sheila from Dala, and you're listening to Planet Indie. Hi, this is Michael from Socionic, and you're listening to Planet Indie. Oh, Voilà, ça des potes, c'est le groupe américain Fire It Cyrus avec le morceau de Doomsday World. Et avant cela, les Tomboys, Don't Ask Me Why. Et on a commencé avec notre ami chypriote Konstantinos Lemesios et Little Boy. Je vous ai dit en commençant cette émission numéro 391 que eh bien, nous étions de retour à un format normal et traditionnel. Qui dit format normal et traditionnel dit bien entendu retour de notre power play. Ça, c'est pour dans quelques minutes, à peu près 5-6 minutes, on va les découvrir. Le power play du jour, c'est une grande première dans Planet Indie après 20 ans. Je vous en dis pas plus, restez branchés, restez avec nous et on va découvrir cette toute grande première au niveau des power play de Planet Indie. Quoi qu'il en soit, nous sommes ensemble jusqu'à 18h30, comme chaque premier samedi du mois. Si vous voulez nous joindre et nous faire part de vos commentaires sur la programmation, ou n'hésitez pas, 00352-2654-0044, 00352-2654-0044, et sinon, eh bien, par tous les moyens modernes qui existent, via Facebook, via email, enfin, n'hésitez pas, surtout, on est là pour vous écouter aussi. Alors, on continue en musique avec un autre groupe chypriote. Bah oui, j'ai fait quelques emplettes cet été. Delirium Elephants, c'est leur nom. Le morceau qu'on va écouter s'intitule Selfie in Montmartre. Donc, ils nous font voyager du côté de Montmartre à Paris, les Delirium Elephants. Et après cela, on écoutera sur. On partira sur le nouveau single, le tout nouveau, il est tout chaud. Nouveau single de John Parks, il s'appelle Virtually Alive EP, et on écoutera le morceau News. It was late in the morning when I went to bed, drinking all night till the end of hell. The buzzer is trying to burst my eardrums. I open the door and just stand there in a trance. Come on, let's go, he said. The weather is great today. Let's hop on the train and take a selfie in Montmartre. Come on, let's go, he said. The weather is great today. Let's hop on the train and take a selfie in Montmartre. We get off the metro and we started to walk. When I saw the hill, I wanted to cry and remorse. At the top now, feeling tired and gloom. Then you come at me like a painting from the Louvre. Come on, let's go, you said. The weather is great today. Let's hop on the train and take a selfie in Montmartre. Come on, let's go, you say. The weather is great today. Let's Twitter said it's all a disgrace. One Twitter user writes on news. A trainee intern and a cleaner run the place, 'cause there's no money left at all. This is how we make the news, payment and content free. This is how we sell the space, editorial and judgment free. We've Wikipedia, a quick spell check on the train. We had a man up in the north. Sponsored content and a wraparound for phones. Pick us up on your way home. This is how we make the news, opinion and ignorance led. This is why we count the clicks on adverts not knowingly read. Here's something that no one ever said, but if they had, then you'd be cross. This celebrity made some money, the amount will drop your jaw. Here's an actress who over 40 years seems to have aged. Shout your opinion and we're bound to pick it out, if you're a bigot or a fool. We don't judge you because everyone is right. Just send it in, we'll ship it out. This is how we sail the news, by storms and spats and fights. This is how we trade the truth for tweets and clicks and likes. Voilà, extrait du tout nouvel album, enfin non pas un album, un EP, il s'appelle Virtually Alive EP, c'est de John Parks en anglais. On écoutait le morceau News, bah oui, c'est tout tout récent. Et ce qui est tout récent aussi, c'est notre powerplay de ce jour. Alors je disais il y a quelques minutes eh bien, que c'était une grande nouveauté dans l'histoire des powerplay de Planet Indie. Eh bien oui, puisque c'est la première fois eh bien, qu'on a sélectionné comme powerplay un album, enfin c'est pas vraiment un album, c'est une compilation, voilà. Une compilation non seulement d'un chanteur, mais d'une vingtaine de chanteurs, puisqu'il y a, 18 morceaux sur cette compilation. Et je pense que depuis 20 ans, c'est la toute première fois qu'on donne cet honneur à une compilation et ce n'est pas un pur album qui est sélectionné. Alors qu'est-ce qu'elle a de particulier cette compilation? Elle s'appelle Won't Be Home for Christmas. Bon déjà, alors ça parle de Noël. C'est pas les chants non plus à la fleur bleue et à l'eau de rose. C'est pas ça du tout. C'est des chants qui tournent bien autour de Noël, de l'hiver, avec différents artistes qui sont originaires essentiellement des États-Unis, de Suède, mais aussi d'autres endroits du monde. Cette compilation est sortie le 17 novembre, donc elle est vraiment toute chaude. On trouve dessus des gens comme Jack Temchin, les Refugees, My Darling Clementine, Bob Cheever, ce qu'on a déjà entendu plusieurs fois dans cette émission, Jude Johnstone, Elliot Murphy, Annie Gallup, et bien d'autres. Elle est donc sortie chez Amy Franc, basée en Suède. On a donc sélectionné trois artistes et donc trois chansons. Le premier qui s'y colle pour ce soir, il s'appelle Mike Persons. Mike Persons, c'est un artiste suédois qui est basé du côté de Borås depuis les années 70. Son dernier album en date, eh bien, il s'intitule quant à lui Marks and Bleeds. Voilà, c'est bien cela. Cet album, il a travaillé avec des gens comme Greg Copeland, Jenny Little Page, qu'on écoutera tout à l'heure puisqu'elle est aussi sur la compilation. Et on l'a sélectionné aussi. Donc voilà, un album qui date déjà un peu pour notre ami Mike Person, mais nul doute qu'il reviendra bientôt. Pour l'heure, eh bien, on l'écoute avec le morceau This December Night, donc cette nuit de décembre. Cet extrait de notre powerplay, cette très belle compilation sortie chez Amy Franc en Suède, Won't Be Home for Christmas. Aujourd'hui dans un Planet Indie. Power Play. Power Play. Looks like dancers on a diamond to me. It's getting cold, the water's frozen. Wished I had a cup of tea. I'm getting old, no one has ever told how to go on. Though it's early, I'm feeling wide awake, waiting for a token while I'm shivering, kneeling by the lake. It's getting late, there's so much, just feet away. Bonjour, c'est Donivic de la Scarlet Blonde et vous écoutez Planète Indie. Hi, this is Sasha Papernick and you are listening to Planète Indie. Hi, my name is Matt from the band Yuka, and you are listening to Planet Indie. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Let's do this. Yeah, let's go. Let's do this. I used to feel more, now I feel dance floors. They thought I was dead, but yo, I just dropped the ball. Now I'm a chain blinger, a big slick swinger. We put it in your mouth and let it linger on the tip of your tongue, and I can feel your lips tightening. 1,000 volts going through my hot rod of lightning. I'm with Pamela, Jessica, Felicity. And Lucy, the one I keep coming back to, her name is Susie. Susie, Susie likes to please me, tease me. When I deliver the load, yo, she never leaves me. Got my blood pumping at 100 degrees. And when I finish up, baby, baby, you can't see. I told her, yo, I want you down on your knees, is that fine? That's fine. She said she don't mind. No, if I explode in her face, she'll go blind. She'll go blind. Well, I guess that's why. Why, what, man? They call her Susie with the dead eye. Of the table when it comes to the flow, okay. Operate smoothly and they just let go. Think they can match me, uh-huh. But that ain't true. Yo, they try to measure up and I'm too consumed. The girls all wanna take me back to the room, up to three at a time, but I was thinking of you. Yo. Different Susie, you got nobody to blame but yourself, girl, and you know I got to explain. Okay, now. I want you down on your knees, is that fine? That's fine. Said she don't mind. No, if I explode in her face, she'll go blind. Well, I guess that's why. Why what? They call her Susie with the dead eye. Your knees, is that fine? That's fine. Said she don't mind. No, if I explode in her face, she'll go blind. Well, I guess that's why. Why what? Yo, I want you down on your knees, is that fine? That's fine. Said she don't mind. No, if I explode in her face, she'll go blind. Well, I guess that's why. Why what, man? They call her Susie with the dead eye. Young love. tell you what I feel. Let me say what I want. Let me tell you what I want. I'm in dead end. We'll be right back. Cycle UP, cet extrait d'un album intitulé America 2.0, tout nouvel album pour Paul Messenger. Paul Messenger, cet album sera très très probablement un de nos prochains Power Play. Il est en tout cas dans ma liste des candidats plus que potentiels. 17h46 minutes, je vous rappelle, vous écoutez Planète Indie comme chaque premier samedi du mois. Nous sommes ensemble jusque 18h30 et nous en sommes à l'épisode numéro 391. On est ensemble jusque 18h30, ça veut dire qu'on est à la moitié de l'émission, on est presque dans le timing. Donc on va retourner sur notre album Power Play. Exceptionnellement, cette fois-ci, c'est une compilation de divers artistes. On a écouté tout à l'heure Michael Persson, un artiste suédois. Le morceau qu'on va écouter maintenant, il est interprété par Jude Johnstone. Alors Jude Johnstone, elle est née dans le Maine et elle a commencé à écrire des chansons quand elle avait 8 ans seulement. À l'âge de 18 ans, elle a été découverte par le saxophoniste de Bruce Springsteen, à savoir Clarence Clemons. Elle a alors passé quelques temps à New York et dans le New Jersey, sous sa protection, on va dire. Elle était un peu la protégée de Clarence Clemons. Et en 1979, elle s'est envolée pour Los Angeles, où elle a commencé à voir sa carrière décoller, notamment ses chansons qui ont... elle a été recherchée par d'autres artistes pour leur écrire des chansons, voire même pour reprendre ses chansons. C'est ainsi que des gens comme Bonnie Raitt, Emmylou Harris, qui est probablement plus connue, Bette Midler, Johnny Cash, Stevie Nicks, du groupe Fleetwood Mac, ou encore Jennifer Warnes ou Trisha Yearwood ont repris des chansons de Jude Johnstone. Et alors pour cette compilation Won't Be Home for Christmas, sortie donc, elle est disponible depuis le 17 novembre, sortie chez Parapluie Records en collaboration avec Amy Franc, elle a écrit une chanson qui s'intitule I Guess It's Gonna Be That Way. On va l'écouter tout de suite, c'est notre powerplay. Aujourd'hui, dans Planète Indie, une fois n'est pas coutume, c'est une compilation de divers artistes. I couldn't find the gift, 'cause nothing seemed to fit. So I'm sending you this card for Christmas. The snow's begun to fall, it hurts too much to call. I guess it's gonna be that way. I'm just no good at love, I never really was. But your eyes almost made my heart believe. I'm sorry for my crimes, I'm sorry all the time. And how I let you down, I can't conceive. I didn't get a tree, it made no sense to me, 'cause it just doesn't feel like Christmas. But I still think of you, just like I always do. I guess it's gonna be that way. And I'll just curse the moon for playing such a tune and pulling on my heartstrings one by one. And I make sure the stars surrender what was ours in answer for the damage that they've done. It's lonely in these shoes, I never liked the blues. But who you gonna call at Christmas. Nobody has the time, and you're still on my mind. I guess it's gonna be that way. I guess it's gonna be that way. Power play. Power play. Hugs. The scene, if it wasn't for a lady, I might still be free. My name is Pharaoh, I ruled the Nile. Had I not have seen her, I might still be sane a while. I walk past tomorrow, going for a ride. Then I hide. I'm just a morning glory. Don't fuck up my story, 'cause I won't be coming home. My name is Jesus. Me too, not even my dad's help could see me through. My name's Joe Average, I work in a bank. Had I not let her under my skin, I might not have sang. I walk past tomorrow, going for a ride. I talk past tomorrow. Just a morning glory. Don't forget my story, 'cause I won't be coming home. We'll be right back. écoute là à l'instant, c'est James Sanders avec Silver Ghost. Si je ne m'abuse, James Sanders, il est originaire d'Afrique du Sud. Enfin, je vous le dis, sous réserve de ce que ma mémoire pourrait fonctionner plus ou moins bien. Pourquoi est-ce que je vous précise cela? Parce qu'avant, eh bien, le morceau qu'on écoutait, c'était, on va dire, notre souvenir du jour. Il s'agissait de Magic Cactus avec un morceau intitulé Morning Glory. Et eux, je suis certain qu'ils sont originaires d'Afrique du Sud. Il est presque 18h, nous sommes ensemble encore pour une grosse demi-heure et on a encore pas mal de choses à voir. Ou écoutez, plutôt, c'est plus correct. Après James Sanders, eh bien, on va écouter un extrait du nouvel album, double album live de nos amis Mystery, le groupe québécois de rock progressif. Ils ont sorti un double album live, ils étaient en concert d'ailleurs dans la région en Belgique au Spirit of 66 de Saint-Vite, de Verviers, pardon, si je ne m'abuse, c'était il y a quelques semaines de cela. On va les écouter avec The Sailor and the Mermaid, et puis après cela on retournera pour quelques minutes sur notre album Powerplay. Allez, on place à Mystery avec The Sailor and the Mermaid. To know, so many times I've left my fears, distract my soul from where I have to go. Man! morning they came aboard, they only found this little note. Just tell them all I love them so, but I really had to go. C'est toujours fantastique ce qu'ils font, hein, nos amis de Mystery, on les écoutait avec The Sailor and the Mermaid. Je vous rappelle cet extrait d'un double album en public qui vient de sortir. Par contre, je ne me souviens pas du nom de l'album. Je vais essayer de vous le retrouver et de vous dire ça avant la fin de l'émission. 18h04, retour sur notre album Powerplay. Je vous parlais en vous citant tout à l'heure le nom des différents artistes qui se trouvent sur cette très belle compilation Won't Be Home for Christmas. Compilation, je vous rappelle, sortie chez Amy Franc et Parapluie Records. Basé en Suède, donc le nom de Jenny Little Page, eh bien c'est elle qu'on va écouter maintenant. Personnellement, je la connais un peu moins bien. Que dire d'elle ? Eh bien, on peut dire que sa carrière a commencé à l'âge de 21 ans quand elle a été présentée à Bruce Kunkel, qui était un des membres fondateurs du groupe de Nitty Gritty Dirt Band, qui eh bien, il lui a conseillé de se lancer dans la musique, de faire carrière dans la musique. Et tout au long de sa carrière, eh bien, Jenny Little Page, elle a eu la chance de travailler avec des gens fantastiques, que ce soit des artistes, des ingénieurs ou des producteurs comme, par exemple, John Mark, Jim Messina, Kenny Loggins, Henry Lewy, Malcolm Seagrave, Al Cooper, qui est peut-être le plus connu, Chris Borbeck et aussi Robinson Eikenberry. Je vous propose d'écouter eh bien, sa contribution à cet album, un très beau CD donc, qui contient 18 titres, tout noir, presque comme un vinyle. Elle est en position numéro 6, on l'écoute avec Now That Winter's Come, c'est notre powerplay. Aujourd'hui dans Planet Indie, je vous rappelle, c'est la première fois dans l'histoire de Planet Indie, dans les 20 ans de Planet Indie, eh bien, que c'est une compilation qui est choisie comme powerplay. Je ne vais pas dire que ça se fête, mais peut-être pas loin. Allez, on écoute Jenny Little Page avec ce morceau Now That Winter Is Come. Power Play. Power Play. If I ask the rain to fall, if I pray the tides will turn, if I beg the moon to rise, will your love for me return? I'm lost without you here beside me. Tell me, what am I to do? Now September's come and gone, now that you love someone new. It's not something you can see. You cannot hold it in your hand. Once it's gone for good. Only now I understand. I'm lost without you here to guide me. Tell me, what am I to do? Now that autumn leaves have changed, now that you love someone new. And now that winter's come, and I'm here without you, long for summer sun. And the love that we once knew, we once knew. Now the winds are blowing cold. Tell me, what am I to do? Now the rain has turned to snow. Tell me, what am I to do? Now that you love someone new. Rain to fall. If I prayed the tides would turn. If I begged the moon to rise. Would your love for me return? Wake Up The Sun par le groupe Neil Adar. Bah voilà, Don't Wake Up The Sun, bah aujourd'hui on l'aura pas vu beaucoup, quoique si, il a quand même montré le bout de son nez aujourd'hui par moment. Allez, 18h13, on a encore quelques minutes à passer ensemble. Je vous propose d'aller faire un petit tour sur le EPC titre de dernier en date de Carrington McDuffie, il s'appelle Rock Me to Mars, et nous on va écouter le morceau Better That Way par Carrington McDuffie. Hi, my name is Carrington McDuffie, and you are listening to Planet Indie. I believe you didn't break my heart. I believe you just took it apart. And now I see what you do to me is a long, slow road, and this is just a start, I believe. Oh, baby, I believe you didn't break my heart. I believe you just took it apart. And now I see what you do to me is a long, slow road, and this is just a start, I believe. Your heart in a box. You've got one hand on the wheel. You've got one eye on the clock. And what I see as a way to be for you comes down to justice and love, 'cause you believe. Yeah, baby, you believe. But every little move spells danger. Heart looking at the door, waiting for you patiently. I'm losing hope, chance for a cure, fading away. Don't you know that you are the only one who's told me to run from here? Don't you know that you are the only one who's helped me to fight my fears? Slaves are whispering behind my back, can't buy the wind of satisfaction. They're nothing but just my reflection in the mirror all the time. Let tempest over me. Let tempest over me. How did you overcome injustice and abuse, the envy of ones that wanted your soul? Their anger was keeping you awake, made you wonder who's to blame. My shadow might be gone, but by morning you must come back to the place where we both belong. I'll wait for you there, hoping to stay with hope for a cure. Don't you know that you are the only one who's told me to run from here? Don't you know that you are the only one who's helped me to fight my fears? Slaves are whispering behind my back, caught by the wind of satisfaction. They are nothing but just my reflection in the mirror all the time. Over me. Je pense que c'est la première fois qu'on l'entend. Il s'appelle Andy Gray. Et le morceau, c'est You Are the Only One. En quelques secondes, si vous le voulez bien, on passe en revue la programmation de la Rocale jusqu'à la fin de l'année. Si vous ne le savez pas, eh bien le concert de Shakira qui était prévu le 4 décembre, il est reporté à une date supérieure, ultérieure, pardon, parce que je pense qu'elle a eu quelques petits soucis de santé. Donc, suivez les infos. 4 décembre, Morgan James, ça se passe au Rotonde. 5 décembre, ça va déménager avec Fine Finger, Despush, ainsi que In Flames, plus d'autres groupes du même calibre, ça se passe dans le main hall de la Rocale. Le 6 Extreme, le 7 SCH, enfin je sais pas trop comment il faut prononcer. Le 9, le 10 c'est Him. Le 12, le concert du 25e anniversaire de Case Choice. Le 13 décembre, Juliette Armanet. Le 14, Gregor Mile. Et puis après, eh bien, ça nous emmène en janvier où il y a, si je ne me souviens bien, La Belle et la Bête. Et il y a une autre présentation un peu spéciale. J'ai oublié. Enfin bref, allez voir sur le site de la Rocale. De toute façon, on vous en reparlera au mois de janvier puisque notre prochaine émission se tiendra le 6 janvier. Et puis j'en profite aussi pour vous dire que cette émission-ci sera rediffusée demain aux mêmes heures, entre 17h et 18h30, sur cette même fréquence. Et que de toute façon, eh bien, vous pourrez retrouver le podcast de l'émission sur notre site internet ainsi que sur notre page Facebook. Voilà, on poursuit avec Daisy Chapman, Settle Down. C'est aussi un album qui sera probablement powerplay au cours d'une prochaine émission. Et l'album s'intitule quant à lui Good Luck Songs. It's started in spring, but ends with a letter which read, without you, I'm nothing. You tore it to pieces instead. And I put all my faith in the summer of love, which then threw me away at the change of the clocks. You're a circus, you say, and I'm just a specter. On va devoir couper un petit peu le morceau, mais pas de souci, tu reviendras bientôt, ça c'est promis, au moins si ce n'est pas comme Powerplay, en version normale en tout cas. Voilà, cette émission Planète Indie touche tout doucement à sa fin, c'était l'épisode numéro 391. On se retrouve donc le 6 janvier pour l'épisode numéro 392. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end, puis surtout de bonnes fêtes, hein, que ça tout se passe bien. Et on va se quitter avec un dernier morceau, un extrait du dernier album de King King. L'album s'intitule Exile and Grace. Et on va écouter le morceau Long Time Running. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous donc l'année prochaine, en 2018. Je vous rappelle notre site internet www.ilovemusic.ga. Bonne soirée, à bientôt.